Oh, yo nanga yo soba pota o benda benda ngatango izo maraka moya sanda na suwa kate oyo di bala motindo o ngabunga naluka libala wana ya mama kamoni pasi babota ngapena bato boni onyo kolonga kosuka wapi nakasi oyo o ngabunga naluka libala wana ya mama kamoni pasi babota ngapena bato boni onyo kolonga kosuka wapi nakasi oyo kaifunga oyo bale sanso boni o bala na bali so na bala dite o a bala dite na bali eto mi kapo ya odi su pita na sali o bala na jo kora ngai boni venga pe mono kondi na roba boni bako iwa bikira azumo bali beba kamarati kina chiki kuma mono kope ma wa moke kame na zumo bali na bali siko na roba te manga kuma yoka Motindo, oh, ngabunga, naluka libala, wana ya mama. babotanga mpe na bato wani onyokolonga akosuka wapi na basi oyo nakukenga mpe thank you. tu bongo. Gloria mio, suena, suena tu bongo. A mi mesa, Africa fiesta mawa. Galerio, Africa fiesta mawa. Pana kumbo, suena, suena tu bongo. Gloria mio, suena, suena tu bongo. A mi mesa, Africa fiesta mawa. Galerio, Africa fiesta mawa. kote na kufa to na bika ya dali se mo bali na sala kuboni oni gole pinga ibande ko lokamwe nendimia tabolonga. Yes, yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Petit biset de la Société des Ambianceurs vous accueille chaleureusement pour ce 56e épisode du désormais très célèbre No Form Grooves Eclectic Show. Voilà, donc c'est la fin de notre double épisode consacré à Dr Nico Cassanda. Voilà, donc le dieu de la guitare qui a officié donc dans l'African Jazz, dans l'African Fiesta, dans l'African Fiesta Tsukisa et quelques temps dans la Frisa chère à Taboulé Rochereau. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de rendre un dernier hommage, appuyé je l'espère, à cette grande figure de la musique congolaise et de la guitare. J'espère que vous allez passer un excellent moment avec la suite de la tracklist. Les deux prochaines tracks vont un peu craquer puisque ce sont des 45 tours qui ont vraiment mal vieilli. Donc je les ai retrouvés pratiquement dans la terre à Pointe-Noire, République du Congo. Donc voilà, c'est la qualité n'est pas au rendez-vous, mais en même temps l'essentiel est ailleurs. Nous ferons groupes éclectiques, musique incendiaire pour mélomane pyromane, le 56e épisode, Docteur Nico. Nico est vivant. C'est parti. Cuando la roca le dio barba, buscándome camino en la Toke kobina, chalanga ya banamboka. Toke kobina, chalanga oyo kosepela. Toke kobina, chalanga ya banamboka. Toke kobina, chalanga oyo tosepela. Bato nyoso, boyange tosepela. Miziki ya fiesta liloyo na kachambay Bato nyoso Boyande to sepela Miziki ya fiesta liloyo na kachambay Toke kobina Chalanga ya banamboka Toke kobina Chalanga oyo bo sepela Toke kobina Chalanga ya banamboka Toke kobina chalanga oyo tosepela Bato nyoso boyande tosepela Miziki ya fiesta liloyo na kachaba Basi mibali boya kobina Ako zanga pelisusu te Bato nyoso Thank you. Shine. nyonso na kosenga okopesaka mwamba mulai mushila mei soki olobi oboyanga nakoki na mibumba nayebi ya solo nasali mabe kasi na bondeli mingi limisanga mobali akoki mpe kolimisa mwasi mpona ayembi mwasi azali nsima na ye mwamba mulai mushila mei kalaka banda oboyinga motindo nakomi mulai mushila mei nabondeli yo mingi papa zongelanga mwamba mulai mushila mei nabondeli yo mingi papa zongelanga mwamba mulai mushila mei yokelanga nanisaka ngai ndenge nalingaka yo yebaka ya sala na mipesi na yo mwamba mulai mushila mei mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga nuvote nyonso ekobima na zando ezanganga te banda o na longwe na ndako na leli liputa moko etikali na nga ezuluki ekomi kizobazoba mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga nazalaki kolamba na mokolo nzungu mine lelo nabebisi shanse epa ya mwamba nazongeli lisusu kolamba mayoto sitotal nakomi kolela mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga mwamba mulai mushila mei naboneli yo mingi papa zongelanga Papa mwamba mutu kiri mundo Ngele kwamba mutu kiri kwamba Papa mwamba mutu kiri mundo Mwamba mushila meiki Mwamba mushila meiki Mwamba mushila mei Thank you. Thank you. ke kota na fie sa sukisa Misike ko banisa mboka Oko zela nani awa na pwe mounika Lako zela desho nanga toko da misike Ya bilenge mi bali toko yoka sango Lela nani mwana mama agiye Nako lela fiesa suki sa memanga Mwana bina miziki ya fiesa suki sa Ni barandevu na mpokuwa Konsere zalisa medina mpokuwa Toko kutana nga inajina Nzo kande miziki African fiesta Na koka lindana ya niko la sane Yembe langa Thank you. utanaki na esteka topesa ni barandevu na pokuwa konsere zali samedi na pokuwa toko kutana maina jina nzoka nde miziki afrika fiesta na boka linanda niko la sane la sane yembelanga tokutana kina esteka topesa ni barandevu na pokuwa konsere zali samedi na pokuwa toko kutana ngai na jina nzoka nde miziki afrika fiesta na foka lindanda niko la sane la sane yembelanga rumba matata Bato pe babina Musique Africa Fiesta Kana jina tosi toyo kani Popo putana Lelo na mpokwa Kasanda niko Felicitation na mosala Oyo sali Te sho nandi mio na mosala oyo sali Na fungo la radio na sali ko ya kalinda nani ko na vida fiesta Television nasali komo na gitara niko ebangi sakanga na komo nasali koyoka bisika niko ebini sakanga la sane Yembelanga Tusan na ya na ye kwanda Ya ila bela ya tusan Tusan na ya na ye kwanda Ela lata ya na pana Nanta da po la bachata Iro pare la savana Porque tiene la habana Heya! Tusan, tusan na ya na ye kwa. Pati kaliente mania, yo sa que tiene que me quema mal. Porque que tiene no parte, son de la cuando he patana. Ya y la mela ya, tusan, tusan. Okay. son, tout son, tout son, tout son, tout son, tout son, tata oye mobali oyo naninga kana motema nanga yo kende ki ngai sebo elokola natikala ki awa na sima nazela ki se yo zonga na yendi se yo sango mbula nyonso eleka ki nga mosika sula tata oye mobali oyo naninga kana motema nanga Neki ngai sebo elokola natikala ki awa na sima Nazela ki sayo zonga na yebi sayo sango Mpula nyo seleka kinga mosika Boye lokola natikala ki awa na sima Nazela ki sayo zonga na yebi sayo sango Mpula nyonso eleka ki nga mosika Nawela sula Nawela sula Sula tato ye Nawela sula Olingo ya miso Nawela sula Sula na Tanzania ye Nawela sula Kaina kisasa Nawela sula Sula ya mabazo Nawela sula Olingo ya miso Nawela sula Kaina kisasa Nawela sula Motela sula yo ye Nawela sula Olingo ya miso Nawela sula Yes. Voilà, c'est malheureusement la fin de notre deuxième segment consacré au docteur Nico. Nico est vivant, présenté par la Société des Annonceurs. J'espère sincèrement que ce double épisode, donc les émissions 55 et 56 d'une forme rose éclectique vous ont plu. Nous avons passé essentiellement de la rumba lingala dans ce dernier épisode. Il y a beaucoup de kirikiri dans le premier. Notre dernier hommage donc à Dr Nico. Une petite parenthèse un petit peu dans ce qu'on va vous proposer en cette fin d'année en termes de musique congolaise et en termes de musique tout court. Et la semaine prochaine, nous repartons avec un éclectique comme nous l'avons si bien fait jusqu'ici. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une excellente semaine. Portez-vous bien. Au cas. Kisinga banda vraiment oye kolangwe langa butu mabimba oye suka kosambwa ola kisinga banda vraiment oye kolangwe langa butu mabimba oye suka kosambwa la misoya baligala.